Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, la deuxième partie d'une grande saga. Tu ne me reverras plus, je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera comme si je n'avais jamais existé. Abandonnée par Edward, celui qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Comment oublier son amour pour un vampire et revenir à une vie normale? On t'a déjà confié un secret que tu ne pouvais partager avec personne. Tentation est de loin beaucoup plus complexe que ne l'était Twilight. Je m'en vais, tu ne me reverras jamais. Le départ d'Edward rend Bella profondément dépressive et Jacob devient l'ami sur qui elle pourra toujours compter. Je sais ce qu'il t'a fait endurer. Bella, jamais je ne te ferai souffrir. J'en fais le serment. Tu sais que tu es plutôt beau. Jacob a changé à bien des égards. Il est physiquement beaucoup plus fort. Il a pris au moins 14 kilos. Fais attention, ces engins sont vraiment lourds. Alors... À mesure que le temps passe, on sent grandir le feu de la passion. Le frein ? C'est ça ? Tentation va vraiment passer à la vitesse supérieure. Il y a plus d'action dans ce film, surtout avec l'intervention des loups-garous. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Laissez-la ! Twilight, chapitre 2, Tentation. Un DVD, M6 Vidéo.